Conseil Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Bonne fin d'après-midi, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Shimon Peres repose désormais à Jérusalem, au cimetière national du Mont Herzl, aux côtés d'Itzhak Rabin. Ce matin, le temps s'est arrêté dans l'État hébreu pour rendre hommage à l'ancien prix Nobel de la paix. Des dirigeants du monde entier ont fait le déplacement. On a vu une poignée de main entre Mahmoud Abbas, le palestinien, et Benjamin Netanyahou, l'israélien. Bill Clinton, qui était président des États-Unis lors de la conclusion des accords d'Oslo, était très ému quand il a parlé de Shimon Peres. Barack Obama, l'actuel président américain, a lui salué un grand homme. À bien des égards, il me rappelait d'autres géants du XXe siècle que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Nelson Mandela, par exemple. Des femmes telles que Sa Majesté la Reine Elisabeth. Des dirigeants qui ont tellement vu de choses, dont la vie parcouru des moments épiques qu'ils n'ont plus besoin de jouer la comédie, ils n'ont plus besoin de faire leur cours à la mode. Ce sont des gens qui parlent en profondeur avec la connaissance des choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ils ne s'intéressaient pas aux sondages ni aux modes. Et comme ses dirigeants, Shimon pouvait être fidèle à sa foi, même si ça allait contre la mode du moment. Barack Obama. Ce sera mardi à Belfort, dans l'usine d'Alstom. Christophe Sirugue participera à une réunion de travail avec les syndicats, la direction du groupe et des élus locaux. Aura-t-on pour autant toutes les réponses sur l'avenir du site d'Alstom à Belfort? Pas sûr. Le secrétaire d'État à l'industrie affirme qu'il y aura des éléments de réponse sur la situation, mais pas de solution clé en main. Nous ne souhaitons pas revenir avec un simple carnet de commandes, mais formuler des propositions construites, dit encore Christophe Sirugue. Les ministres de l'Environnement des 28 ont accepté aujourd'hui de ratifier ensemble l'accord sur le climat négocié en décembre dernier à Paris. Une procédure inédite et forcément plus rapide que chacun dans son coin. Une ratification au pas de charge aussi pour ne pas apparaître à la traîne des États-Unis et de la Chine qui ont ratifié le texte. Des céphalées et des maux de ventre, 22 personnes, 21 collégiens et un adulte ont dû être hospitalisés aujourd'hui après avoir été indisposés par des vapeurs dites irritantes. Ça s'est passé à la souterraine dans la Creuse au retour d'une séance de piscine. Tanguy Bocconi. Face à l'entrée du collège Raymond Léouy, des parents très stressés se faufilent entre les ambulances et les camions de pompiers. Isabelle est la maman d'une élève de 6e qui vient d'être évacuée avec 20 de ses camarades. J'ai mon enfant qui s'en va à Châteauroux pour observation. Il y a eu un problème avec les canalisations sur la piscine souterraine. Donc on a été reçus dans une salle par les pompiers et un médecin SAMU qui a essayé de nous rassurer. Et puis voilà, beaucoup de peur, beaucoup de panique. Et savoir maintenant ce qui s'est réellement passé et savoir, en espérant que la commune aura l'honnêteté de dire les choses pour ses habitants. Jeanne, elle, se trouvait à la piscine avec sa classe lorsque peu après 10h, l'alerte a été donnée. On nous a fait sortir. Après, on est tous allés à l'infirmerie. Il y en avait qui, vu qu'il y en a qui ont de l'asthme, et ils avaient des problèmes pour respirer, etc. Et du coup, on est tous allés au gymnase du collège et ils en ont emmené plusieurs à l'hôpital de Guéret, à Limoges, enfin voilà. Au total, sur 50 personnes présentes, 21 enfants et un adulte ont dû être hospitalisés pour contrôler d'éventuelles traces d'intoxication. Mais les nouvelles de leur santé sont rassurantes, comme le confirme la préfecture. Les parents d'élèves, eux, souhaitent savoir comment cet incident a pu se produire. L'enquête en cours devra bientôt le déterminer. Tanguy Bocconi. Rosetta n'est plus, la sonde s'est écrasée sur la comète Chury à la mi-journée. La mission de Rosetta est donc terminée 12 ans après son lancement. Les données recueillies par cette mission, notamment grâce au robot Philae, ont permis à la communauté scientifique de mieux comprendre comment se sont formées par exemple la Terre et les autres planètes du système solaire. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 18h de Florence Paracuelos. Enfin, des nouvelles des œufs de la tortue marine venue pondre sur une plage de Fréjus cet été. Le réseau Tortue Marine de Méditerranée française affirme aujourd'hui que le premier œuf a éclos la nuit dernière, le deuxième est en route. En tout cas, c'est une première. Cette première éclosion intervient après 70 jours d'incubation. L'objectif est ensuite de relâcher toutes les tortues vivantes sur la plage pour qu'elles prennent la direction de la mer, leur milieu naturel. C'est la première fois qu'une ponte arrive à terme sur les côtes du Var. 17h05 sur France Inter, on file à la Bourse de Paris. Antoine Verlin, c'est une fin de semaine, me dit-on, en baisse, mais il paraît que ça va mieux que de mystère. Que se passe-t-il donc ? Oui, bien oui, ça va beaucoup mieux Laetitia, le CAC 40 qui perdait plus de 2% ce matin et maintenant repli beaucoup plus modéré de 0,47%, il est à 4 423 points. Alors une nervosité due à un net regain d'inquiétude concernant la santé de la Deutsche Bank alors que la justice américaine lui réclame 14 milliards de dollars. D'ailleurs selon la rumeur, la première banque privée allemande aurait déjà perdu d'importants clients qui par précaution auraient transféré une partie de leurs avoirs vers d'autres établissements. Alors les craintes se sont quand même un petit peu atténuées, pour autant Société Générale perd encore 1,30%. La tendance est également alourdie par des prises de bénéfices. ArcelorMittal, moins 2,23%. Total, le poids lourd de la cote, moins 1,44%. Et Engie, moins 1,37%. Là, ce sont les quatre plus fortes baisses du CAC 40. En revanche, Technip poursuit sa reprise avec un gain de 0,88%. C'est la plus forte hausse de l'indice parisien. L'euro se négocie à 1,1235. Wall Street, qui avait déjà reculé assez fortement hier, eh bien, se redresse, plus 0,70% actuellement. Quant au CAC 40, je vous le rappelle, eh bien, lui, il recule de 0,45% à 4,424 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. L'Afrique en solo. C'est tous les samedis à 22h sur France Inter. C'est votre ticket pour l'Afrique. Soro Solo. Hey! Culture, société, politique, légende, mythe et tous les qu'est-ce qu'il y a. Tout ça se raconte en musique sur France Inter. Tu as loupé l'Afrique en solo samedi à 22h? Pas ni problème. Tu podcastes seulement sur franceinter.fr. Ce vendredi, jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. Montant minimum à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. François Morel. Ce baiser, vous souvenez-vous, que vous m'aviez un jour donné. J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituez. Retrouvez toute la malice et l'émotion de François Morel dans son nouvel album de chansons. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Aquarius, de Kleber Mendoza Filho, en compétition au Festival de Cannes. Meu apartamento não está à venda. Eu não vou vender, tá certo? À Recife, au Brésil, Clara vit dans un vieil immeuble, l'Aquarius. Não teve nem curiosidade de saber o que era. Non. Lorsqu'un promoteur veut racheter son appartement, elle refuse et entre en guerre contre la société immobilière. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Aquarius, un film sur le Brésil d'aujourd'hui, actuellement au cinéma, un film France Inter. Hey Charline, c'est le fan, vous recevez André Sauvé, hein ? Ça, les Québécois, je ne sais pas s'ils aiment beaucoup. Non, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout. Vous voulez nous l'énerver, c'est ça ? Bah oui, mais en même temps, c'est une émission pour ça. Hein. C'est exactement ça. Nous, on ne va pas s'aventurer, on fait l'accent belge tous les jours. Vous avez un accent pas, qui vous imitez personne, non, en plus. Bah non, votre accent à vous, Laetitia Gaillé, vous en avez un aussi, je vous signale. Non, merci. Ah ouais, ouais, bah bien sûr. Ouais. Imitez-moi. Allez, courage. Merci Laetitia pour les informations. Écoutez ce matin comment nous avons préparé, très consciencieusement, bah, comme tous les jours, cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Il est où Guillaume? Il est à Lyon. C'est la ville de Guignol. Ah oui, bah il sera pas perdu. C'est aussi la ville de Monseigneur Barbara. Qui tu crois qu'avait le bras dans Guignol? Ah non. Oh là là. Merci Alex, merci. Oui, après ce bon moment de poésie, hein, de quoi on parle? Ah, il y a un article dans Society. Oui. Ouais, ils ont retrouvé les 2% de gens très satisfaits de François Hollande. Oh là là, ça c'est de l'archéologie ça. C'est énorme. Hein, bah quoi? 2%. Bah c'est pas beaucoup. Bah si, ça veut dire que sur 50 amis à toi, il y en a un qui est très satisfait de François Hollande. Oui, t'as raison. Moi je vois pas qui. Bah, pour moi, j'assais. parce que je connais personnellement Julie Gaillet, ça doit être elle. Ouais, mais pas sûr, hein, parce qu'il doit pas souvent être à la maison. Mm-hmm. Peut-être, mais qu'est-ce qui est vraiment très satisfait Son coiffeur. Ah oui, à 10 bâtons par mois, il peut être satisfait, lui. Ouais, ouais. Bon, alors on peut parler de ça. Hein. Ouais, bon, alors, autre chose. Il y a un article dans Libé sur les voitures sans chauffeur. Ah, oui, oui, ça, oui. C'est intéressant. Bah, et pourquoi ils n'ont pas de chauffeur? Ah, bah oui, parce qu'au départ, elles étaient conduites par des gens très satisfaits de François Hollande. Et oui, et maintenant, comme il n'y en a plus beaucoup, elles se conduisent toutes seules, les voitures. Je suis pas convaincue que ce soit ça. Enfin bon, mais je prends le sujet. Il y a aussi un portrait de Mélania Trump. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ce pourrait être la première dame. Ah oui, mais je la trouve mieux en première dame que Bill Clinton. Ah ouais, c'est quand même la femme qui a dit « Je ne suis pas qu'un corps, j'ai aussi un cerveau ». Ah ouais, si tu dois le mentionner, c'est que ça saute pas aux yeux tout de suite. Mais bon, bah, on a trois sujets. Trois sujets, oui, c'est bon. Oui, parfait, alors on peut aller déjeuner. On va déjeuner. Ah, c'est triste sans Guillaume. Oui, c'est tellement triste sans Guillaume que je vais lui rendre hommage. Je vais prendre un sandwich à la Rosette de Lyon. Voilà. Parce qu'il est à Lyon. Non, parce qu'il est végétarien. Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait des plans sur la comète de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont se cracher volontairement sur le mur de la rigolade. Ils ne sont plus que 2% en France. 2% seulement, mais le magazine Society les a retrouvés. Ces Français qui se disent très satisfaits de François Hollande. Et écoutez bien, ils le revendiquent. Bah j'ai bien eu droit quand même. Hein. Bah, alors... 10 sur 10. Avec l'ouverture du mondial de l'auto, on ne parle que de la voiture sans chauffeur. Et toi, le jeune qui vient de casser ton PEL pour passer le permis? Tu sais comment je me les suis payé, moi, mes leçons de conduite? En vendant des 4 quarts tous les dimanches sur le marché de Trégastel, parce que mon père, à moi, il a toujours refusé de me payer une seule leçon de conduite. Si Donald Trump réussit son braquage de la Maison Blanche, c'est une ex-call girl, Melania Trump, qui succédera à Michelle Obama, Jackie Kennedy ou Eleanor Roosevelt. Allô? Non mais allô quoi. Et moi je suis accompagnée de celui qui va encore me demander d'inviter Nabila. Et c'est toujours non, c'est Alex Vizorek. Aïe, ça s'y joue pas grand chose j'ai l'impression. Bonjour Charline Vanhoenacker et aujourd'hui autour de la table et même plus loin que ça, une belle équipe. 17h20, quand un scénariste de Plus belle la vie le croise, il pleure d'émotion car ils font le même métier. Sauf que l'un des deux est en plus chroniqueur dans une émission à succès. Bonjour Thomas Vick. Mais bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. De quoi on parle? Alors aujourd'hui on... de l'oubli. Ah, qu'est-ce qu'il joue bien. Excellente en plus, non? Excellente mise en abîme. 17h30, on a laissé son siège vide, par hommage. Il est à Lyon, sur la trace de ses ancêtres, car c'est la capitale des Gaules. Bonjour Guillaume Meurice. Ah, bonjour Alex, bonjour. Bonjour Cognac G, ça va bien? De quoi on parle? Eh ben écoutez, je suis à Lyon effectivement, donc j'ai interrogé les fans de Laurent Wauquiez sur la Sistana. Il y a des avantages colossaux qui sont autour de ce RSA. Voilà, des avantages colossaux, hein, vous avez entendu, on parlera donc pauvreté, BMW et pute de luxe. 17h40, l'homme dont la chronique démarre avant le coup d'envoi. Alors en sport, ça s'appelle un faux départ, mais avec lui ça s'appelle un vrai jingle. C'est Thomas VDB, bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous nos auditeurs. Alors moi aujourd'hui, j'ai longuement hésité à vous parler des liens forts qui se tissent entre le rappeur Snoop Doggy Dogg et Bernard Cazeneuve. Mais il n'y en a pas. Donc je vais plutôt vous parler du lien qui se tisse entre Rihanna et François Hollande. Oui, on a entendu ça. Et 17h55, si Christophe Maé et Kate Moss avaient eu un fils, ce serait lui. La voix de papa est gaulée comme maman. Frédéric Fromet viendra nous chanter sa chanson. Et voilà pour ceux qui ont des idées à nous présenter. Et voici celui qui va présider cette émission. Vous êtes auteur et humoriste. Vous êtes une star au Québec, notamment grâce à vos deux spectacles, mais aussi pour votre participation à la fameuse émission de Marc Labrèche, n'est-ce pas, oui. 3600 secondes d'extase. Quand même. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... André Sauvé. Mais c'est la première fois que mon nom se trouve dans la même phrase que le mot présidé. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. André Sauvé qui a déjà tout compris au principe de cette émission, qui n'a pas de concept. Hein. On essaie d'ouvrir les ornières. Bienvenue André Sauvé, merci d'être avec nous. Ben merci de m'inviter. Eh ben, on peut vous voir en spectacle au Théâtre des Mathurins à partir du 6 octobre. Oui. Eh oui, et le spectacle s'appelle André Sauvé. Ben oui, rendu au titre, j'avais plus d'imagination, mais c'est quand même moi, éponyme. Et puis des spectacles que vous avez joués, bien sûr, au Québec, au Canada. Et Alex Vizorek, vous connaissez bien. Mais oui, mais moi, c'est le travail d'André Sauvé. C'est mon idole au Québec, vraiment. Yeah. J'ai regardé ses chroniques sur YouTube et je suis ému de pouvoir le présenter à la France. Je vais tenter une métaphore, vous allez me dire si elle vous va. C'est un peu comme si François Rollin avait avalé Michel Courtemanche, André Sauvé. Ah, Oui, on peut. C'est dans ces eaux-là, c'est dans ces sphères-là. Voilà, parce que le texte est brillant et absurde, et vous êtes un ancien danseur, donc vous le mettez en scène avec une certaine précision. Oui, ben en fait, le corps, ne serait-ce que se tenir debout sur une scène, c'est déjà un mouvement. C'est déjà habiter la scène. Donc, j'ai été danseur, j'ai bougé avant de parler. Et à un moment donné, j'ai voulu mettre des mots, tout ça, puis l'écriture est venue. Et c'est arrivé sur le tard que ce soit de l'humour. Donc, j'allie les deux aujourd'hui, le physique et la parole. La danse et le mime aussi, d'où le côté courte manche que vous évoquiez, Alex. Ah ben non, la justesse des mots, en tout cas, oui. Mais dans ce que vous dites, l'humour est arrivé plus tard. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez drôle? Non, ben c'est un peu... On a un jeu, nous, au Québec, un jeu de cartes, qu'on se met une carte dans le front et on essaie de la trouver. Donc, tous les autres la voient, sauf nous. C'est un peu ce principe-là que je ne savais pas que j'avais ça. Et puis, voilà, c'est venu sur le tard. Mais je voulais faire du drame. Mais je me rends compte que l'humour, en fait, il y a une part dramatique dans l'humour. Il y a toujours... C'est juste le côté drôle. C'est juste une paire de lunettes qu'on met pour regarder ce que c'est. Mais ce qui est à dire, après ça, il y a une part dramatique dans ça. C'est ce qui fait rire, en tout cas. Et derrière cette étiquette où il y a marqué comique maintenant, ouais. Dans votre cerveau, c'est pas toujours bien rangé. Ça, vous en parlez dans votre spectacle. Oui, ben en fait, moi, c'est ce qui me fascine. C'est comment ça fonctionne dans la psyché humaine. C'est ça qui me fascine. Les espèces de petits méandres. Les gens me disent, mais mon Dieu, j'ai l'impression que t'es rentré dans mon cerveau. Mais je suis rentré dans le mien. C'est dans rentrant dans le mien que les gens se reconnaissent. Mais ça me fascine de voir la vitesse que ça fonctionne dans le cerveau. Si on pouvait se mettre un petit enregistreur, juste enregistrer ce qui se passe dans notre cerveau une heure de temps, on serait étonné de voir. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça saute du coq à l'âne, ça va dans plein de directions en même temps. Et donc, hier, Guy Corneau, autre Québécois, parce qu'on fait notre semaine Québécois, nous disait « André Sauvé est formidable, attention, il parle vite. » Donc, même pour un Québécois, vous parlez vite, les idées se bousculent. Oui, mais moi, je trouve que je parle lent, mais ça va beaucoup plus vite dans ma tête. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est quand on me pose pardon, comme une question, j'ai à peu près trois voix qui s'ouvrent en même temps. Oh mon Dieu. Très rapidement, je dois en choisir une. Et souvent, ce qui m'arrive, à la moitié de cette voix-là, j'en ai marre, j'ai envie de sauter à l'autre. Chouette! Mais je ne peux pas laisser tomber la personne à mi-chemin en disant, écoute, j'en ai marre de celle-là, je te promets que l'autre est plus intéressante. Et pendant que je parle de ces trois voix-là, je les vois, les trois voix. Donc, ça en rajoute une quatrième. C'est pas son voix. On n'est pas sauvés. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça que ça se passe. Mais aussi philosophique, André Sauvé. Je lisais une de vos interviews, vous dites, quand je partais à l'école, je regardais ma chambre et je me demandais si elle continuait à exister pendant que je n'étais pas là. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que très tôt, par vous-même, vous avez été philosophe. Oui. Vous n'avez pas eu besoin d'attendre la terminale pour avoir des cours de philo. Non, mais c'est ce qui me fascinait. Mais en même temps, c'est un regard enfantin sur la conscience en même temps. Est-ce que les choses vivent quand on ne les regarde pas? Hein, le fameux courant, quand un arbre tombe, s'il n'y a pas de témoin, est-ce que ça fait du bruit? Bon, la question est ouverte, on n'est pas obligé d'y répondre, mais c'est la conscience. Et c'est ce qui me fascine, de nous voir aller, de nous regarder aller. Et après, en humour, on redonne ça, tu sais, comme ce fameux, ce qu'on dit toujours, l'importance de vivre, par exemple, le moment présent. Hein? Bon, tout le monde dit ça, mais comment on le fait? Comment on peut être plus... Tu sais, comment en ce moment, je peux être plus dans le présent que je le suis présentement? En profitant de votre présence, de cette émission André Sauvé, qu'on peut voir au Théâtre des Mathurins, à partir du 6 octobre, en octobre du jeudi au samedi à 21h, matinée le dimanche à 17h. Allez le découvrir. Je suis censé être là. On n'est peut-être pas tous là, mais on va essayer. Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man. You're the that makes my questions disappear. Sugar man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugarman sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'André Sauvé, humoriste québécois, qu'on avait très envie de vous faire découvrir. Vous pouvez le voir au théâtre des Mathurins à partir du 6 octobre. Et sachez, André Sauvé, dans sa générosité, propose des places à 10 euros pour les auditeurs de France Inter. C'est pas vrai. Ah, si. Viens d'apprendre. Mais oui. Et si vous êtes auditeur Europe 1, c'est 45 euros la place. Donc vraiment, ne faites pas la boulette. Donc pour 10 euros, peut-être si vous n'êtes pas à Paris, vous ferez peut-être l'effort de venir, on ne sait pas. En tout cas, allez sur justemesplaces.fr et le code promo, c'est France Inter. Et allez massivement applaudir oui, André Sauvé surtout. Avec autour de cette table, Alex. Eh bien, autour de la table, on a Thomas Wittgen, je le vois. Thomas VDB, je le vois aussi. C'est et Guillaume Meurice, je ne le vois pas, mais il est à Lyon, il est là. Bonjour Guillaume. Je suis là. Toujours, tout va bien. Bonjour, rebonjour, je suis là. Oui, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Vous nous gardez Laurent Wauquiez au show, hein. Très bien, comptez sur moi. D'accord. Ouh, ça va dynamiser l'émission, ça. Ouh, ça, oui, oui, oui. La force centrifuge de l'actualité, elle nous conduit inexorablement vers un nouveau journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. La sonde Rosetta s'est donc écrasée avec succès, nous a-t-on annoncé. Oui, pour le moment, Daesh n'a pas encore revendiqué l'attentat. On parlera aussi de Sarkozy, de Hollande et de Mélenchon. Encore des comètes. Et il y aura des brèves. Et des brèves à base de boules de pétanque. Commençons par le reportage d'Envoyé spécial sur Big Malion qui a été diffusé hier soir sur France 2. On y apprend que l'hymne du candidat président Sarkozy n'a pas coûté 0 euro. Plus comme l'avait dit Sarkozy, non. Ni 43 000 euros, selon la facture officielle, mais bien 86 000 euros. 86 000 euros, mais c'est Manoukian qui lui a fait l'hymne, quoi. Et surtout, c'est bête, il aurait pu prendre une chanson existante et lui aller comme un gant. Les portes du... Vous voyez s'il rentrait là-dessus, si c'est pas émouvant. Allez, on le laisse là, et sans vraiment de transition, on apprend aujourd'hui que l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a été entendu le 19 septembre comme témoin dans le dossier des écoutes de Thierry Soler. Claude Guéant était chez le juge. Oui, oui. Alex, on fait un journal d'information. Ah, pardon. Enfin, mais d'ailleurs, attendez, Claude Guéant a affirmé n'être absolument pas mêlé à cette affaire. Mais je rêve, enfin. Mais quoi ? Mais de l'information, mais je pardon. Vous ai dit. Alors, le FN, ça j'ai de l'info, est fâché contre le journal catholique La Croix. En effet, il va publier un supplément dans lequel il invite ses lecteurs à réfléchir sur le vote FN. Eh oui, parce que La Croix, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non pas au nom du Père, de la fille et de la nièce sans esprit. Gauche, à présent. J'ai bossé vite, gain. Ah, ça vous impressionne, oui. 9 Français sur 10 ne croient plus en l'inversion de la courbe du chômage. Et oui, quant au 10e Français, nous n'avons malheureusement pas pu le joindre par téléphone puisqu'il assiste aujourd'hui aux funérailles de Shimon Peres en compagnie de Nicolas Sarkozy. Sans transition, François Hollande veut réduire les privilèges des prochains ex-présidents. Oui, moi, ex-président, je renoncerai à mes privilèges, il l'a dit. Vous faites Sarkozy, là, non? J'ai fait ce qui me venait. Science, à l'occasion du crash de la sonde Rosetta, Jean-Luc Mélenchon s'est lamenté sur Twitter que depuis Rosetta, il n'y a plus aucune mission interplanétaire initiée par la France. Et là, il y a un rapprochement Mélenchon-cheminade dans les tuyaux, ça va faire mal à la présidentielle. Média. Oui, Média. Signalons ce long reportage dans Le Monde sur 18 anciens détenus qui reprennent la liberté en travaillant dans une ferme. Ah bon, c'est nouveau ça? Oui. Bah, ça a toujours existé, la prison ferme. Oh là là. Excusez-moi, c'est vendredi. C'est une longue semaine. Moi, j'étais pas pour. On va passer à ce titre exceptionnel dans le bien public. Le lieutenant-colonel Moutard quitte Dijon. Ah. Si ça tombe, il partait avec le chandelier. Pas mieux que la prison ferme. Pas mieux que la prison ferme. Culture. Oui. Deux tableaux de Van Gogh volés il y a 14 ans viennent d'être retrouvés en Italie. Et ce sont des vrais Van Gogh. Vous êtes sûr? J'en mettrai mon oreille à couper, ma petite. Passons au brève. Bah, allez-y, c'est pour vous. Isère, 2 points. Il demande à ses enfants de patienter dans la voiture pendant qu'il braque un tabac. Et ça, c'est toujours bien de voir ses parents travailler. Ça donne des valeurs. Continue. Et la dernière. Dijon encore, un homme a attaqué un Apple Store à coups de boules de pétanque. Ah oui, ça, le colonel Moutard est plus là, si vous voulez. En tout cas, c'est impressionnant parce que toute la scène a été filmée. Oui, quand même. C'est un film de boules donc. Ça, c'est pas pire que prison ferme. Ça, c'est pire. Là, on est d'accord. Allez, on rentre à la maison, c'est le week-end. Voilà. André Sauvé est consterné. Ah, il a découvert Claude Guéant. Et si vous en voulez un petit peu plus, Alex reprend son spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art à la Pépinière. Dès dimanche, le dimanche. Je réattaque Paris, attention. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Tous les mauvais jeux de mots sont ici. André Sauvé est avec nous. On va aborder avec vous le premier sujet. Ils existent, un journaliste les a rencontrés. Oui, un journaliste a retrouvé les 2% de gens très satisfaits de François Hollande. Alors, qui sont-ils? Où vivent-ils? Comment le vivent-ils très mal? Nous sommes rendus à leur réunion. C'est toujours François le président. Plus que jamais. Et je dois dire qu'il a même complètement transformé l'affaire. Il y a de gros travaux en cours, il y en a même qui sont terminés. Oh, ben, tu es sûrement au courant. Vaguement. J'ai l'impression que dans les mois qui vont suivre, le rendement va doubler. J'avoue que n'y croyais guère, mais les chiffres parlent. Je m'incline. Tu sais que François est un garçon remarquable. Et cette nouvelle couche, mon cher Lucien, n'a pas fini de nous étonner. Jean Gabin, Pierre Brasseur, dans Les Grandes Familles, Denis de la Patellière, 1958, des dialogue d'Audeillard. Voilà. Alors, c'est à lire dans Society, un article intitulé « Les très satisfaits ». Alors, André Sauvé, vous n'êtes sans doute pas sans savoir, selon la formule consacrée que je viens d'énoncer, la popularité et la confiance en François Hollande, c'est l'un des sujets préférés en France, de la presse, des humoristes, des bar-tabac. Est-ce que c'est un sujet qui a fait un petit peu son chemin aussi au Québec, au Canada? Non, moi, en voyant ça, je me dis, il y a une grande famille, c'est peut-être ça qui se passe, mais en fait, moi je ne suis pas penché nécessairement sur la politique. Par contre, la politique qui m'intéresse, c'est la politique interne, celle qu'on a en dedans de nous. Et celle qui est à l'extérieur ne peut être qu'un reflet que celle qu'on a en dedans de nous, c'est nous qui l'avons créée. Donc, on a en dedans de nous la gauche, la droite, des débats, des mensonges et tout ça. Et quand j'ai vu ça, dans ce lien avec la politique interne, quelle est donc cette partie de nous qu'on néglige et qu'on aime à 2% de nous-mêmes? Vous voulez dire qu'on est le reflet de celui qui nous dirige? À mon avis, ça ne peut être qu'un reflet de nous. C'est nous qui l'avons créé, cette politique-là. On a, c'est un fonctionnement qui nous habite, qu'on a mis à l'extérieur. Donc, quelle est cette partie mal-aimée de nous-mêmes, qui est là, qu'on aime à 2%? Mais alors, si mal-aimée, on si a tout un petit Hollande dans nous. Désolé pour le retour à la maison. Et là, est-ce que cette vision peut s'élargir aussi? On peut dire qu'un peuple, qu'un président ou qu'un gouvernement est le reflet de son peuple, parce qu'il y a aussi une émanation de la volonté. Ah ben oui, tout à fait, c'est un aller-retour, à mon avis. C'est nous qui les avons élus, c'est un reflet de nous, infailliblement. Mais le système en tant que soi est un reflet de nous. C'est ça qui me fascine de voir. On pointe souvent cette politique-là, mais en même temps, quand on pointe quelque chose du doigt, il y a trois doigts qui sont tournés vers soi. Donc, c'est un peu nous qui est là-dedans. C'est un reflet, infailliblement. On est obligé de vous emmener alors vers Justin Trudeau, qui lui, pour l'instant, a l'air d'être aimé par le monde entier. Alors, comment c'est chez vous? Ah, là, oui. Le père avait toujours une fleur à la boutonnière. Donc, Justin, c'est la floraison du père. Le père qui a été premier ministre. Premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau. Et puis, c'est une grande star présentement. Donc, il nous représente. On est très heureux de la voix qu'il prend présentement. Il reflète une image positive de votre peuple. C'est ça aussi que vous voulez dire? En quelque part, mais là, on est dans la lune de miel. Bon, on est encore à la chambre. Les pétales sont un peu défaite sur le lit, mais quand même... Je vois qu'il commence à faner. On cherche les épines. Les épines viendront peut-être, mais c'est vrai, on est encore dans la lune de miel de ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est pas très français, justement, de ne pas aimer? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sondages, est-ce que vous n'aimez pas, machin? J'ai l'impression qu'au Québec, on prend le problème à l'inverse, c'est est-ce qu'on aime? Et pas est-ce qu'on n'aime pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être un peu français, le plaisir de ne pas aimer. Mm-hmm. Peut-être qu'on a moins ça chez nous, où on déteste en cachette. Mais c'est vrai, cet argumentaire-là est beaucoup plus français que chez nous. Vous les trouvez durs, les Français, alors, avec François Hollande, peut-être? Un peu durs? En fait, du regard québécois, oui. C'est vrai qu'on a moins ce débat-là, les Québécois. On a moins, autour d'une table, on va être moins revendicateur, moins argumentatif que les Français. Les Français ont beaucoup plus ça. Nous, on est un peu là-dedans. Quand quelqu'un lève le ton, on le prend personnel. Par contre, quand le Québécois se fâche, c'est pour de bon. Oula! Ah oui, quand les Québécois se fâchent, c'est pour de bon. Par exemple, quand on a voulu laisser la religion, quand on s'est érigé contre la religion, c'était pour de bon. Et pour un peuple qui était complètement sous le joug de la religion, le Québec c'était épouvantable. Mm-hmm. Et quand on a laissé ça, c'est phénoménal. Dans l'histoire d'un peuple qui a complètement mis une religion qui était aussi forte en l'espace d'une génération. Donc, quand on se lève, c'est peut-être pour de bon. Oui, la révolution, la réforme va plus vite. Oui, qu'on appelle la révolution tranquille chez nous. Ça nous reflète bien. Et là, on voit bien le fossé avec la France, entre la révolution tranquille et la révolution à la française. C'est vrai que ce n'est pas la même musique. Un peu plus brillante. Je vais citer Alain, 67 ans, dans l'article de Society, qui fait partie de ces 2% quand même, et qui dit... On félicite déjà. On n'en est pas à se cacher dans la rue parce qu'on vote Hollande, mais bon, ça devient difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Alain, 67 ans? Courage, Alain. Ouais, pour la lui, résistance s'organise. Il faut qu'il focus sur le 2%. Absolument. Mais c'est pas parce que c'est petit que c'est inexistant. Hein? André Sauvé est avec nous et à côté de lui, il y a Thomas Bideguin. Ah oui, voilà. Oui, bah oui, oui. Ah. Oui, bah voilà, c'est à moi. Donc, à nouveau, je viens vous parler de storytelling. et tenter d'éplucher comme des pommes de terre nouvelles toutes ces histoires que l'on nous raconte afin d'offrir à nos amis belges les frites du savoir que vous méritez. Sauf que ce coup-ci, je fais ma chronique avec des lunettes. On m'a conseillé ça en me disant que ça allait peut-être améliorer ma diction. Et tenter d'endiguer l'afflux de hate mail. Et on va savoir. Alors, le thème du jour sur le storytelling, c'est l'oubli. L'oubli, c'est contre-intuitif en storytelling parce que, naturellement, on serait amené à penser que l'oubli, c'est l'ennemi du storytelling. Ne serait-ce parce qu'on a toujours peur d'oublier le début d'une histoire, ces trois filles qui rentrent dans un bar, je sais pas quoi, ou encore pire, d'oublier la chute. Oui, d'accord, mais si je trouve une nouille, je ne paye pas. Hein? Bon, je crois qu'elle ne marche pas trop, ces lunettes. Alors, enfin voilà, surtout, il y a l'adage populaire selon lequel, pour bien mentir, il faut avoir de la mémoire. C'est pas faux. Sauf que cette chronique ne parle pas de mensonge, mais de storytelling. Il y a une nuance quand même. C'est pas vraiment la même chose. C'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui vous vole et quelqu'un qui vous emprunte 300 balles et vous les rend jamais. Le storytelling, c'est ça. Il y a une part de consentement. On a besoin de la complicité de la victime. Et ça peut demander une bonne dose d'oubli. Ne faut-il pas oublier l'été pour apprécier l'automne qui vient d'arriver ? Oui, et comme c'est beau l'automne, on voit les cheveux des candidats changer de couleur. Qui se part au fil des semaines de belles teintes boisées. C'est ça l'automne. Et c'est déjà bientôt Halloween, on va pouvoir ressortir les burkinis. Et puis l'automne arrive et s'approche à pas de loup. Qu'est-ce qui s'approche à pas de loup ? Eh bien les primaires de la droite et du centre, eh oui. Est-ce que vous êtes prêt pour le Sarkozy stand-up ? Est-ce que vous êtes prêt pour le NKM MDR ? Est-ce que vous êtes prêt pour le Jupe Jump ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêt pour la Bruno Le Maire Madness ? Yes ! Est-ce que vous êtes prêt pour la François Fillon Fever ? Oui, enfin voilà. Donc si vous êtes prêt, vous comprenez pourquoi, pour pouvoir raconter de nouvelles histoires, il peut être nécessaire d'oublier celle d'avant. Parce que la base du storytelling, comme pour la magie d'ailleurs, c'est de faire oublier avec la main droite ce que la main gauche est en train de faire. Donc pour vraiment croire que la main gauche de François Hollande, est en train de baisser les impôts, 6 mois avant les élections, il faut oublier que sa main gauche les avait augmentés sévère pendant 3 ans. Ouais. C'est pareil pour le chômage. Et pour croire Juppé, qui reproche à Hollande de ne pas être assez dur dans ses négociations avec Poutine, il faut oublier que si Hollande était aussi dur que Poutine, ben allez Juppé et tous ses copains de l'opposition, ils seraient en prison, en train de bouffer des tartes au polonium. Donc voilà, on a besoin d'oublier pour croire. On a besoin de s'oublier pour mieux se réinventer. Et j'ai lu d'ailleurs cette semaine qu'aux États-Unis, un homme de 113 ans va fêter sa bar mitzvah. C'est ça, se réinventer. Voilà, on espère qu'il y aura plus de monde que l'année dernière pour sa circoncision. Donc, il faut savoir s'oublier. Et c'est bien le problème de Nicolas Sarkozy, qui continue de voir la présidence Hollande comme un long Airbnb. L'Élysée, c'est chez lui. Quand il voit les journées du patrimoine, il flippe. Il dit « Oh, les mecs, oh, touchez pas trop les meubles, on avait dit pas de fête. » Voilà, donc, si on se passionne pour les histoires, on se retrouve paradoxalement en faveur du droit à l'oubli. Un peu comme Guillaume Meurice qui essaye depuis des années de débarrasser sa page Wikipédia des photos où on le voit en train de manger du poney, à même la bête, ou serrant la main d'Augusto Pinochet dans la villa de Jean Roucas. Donc, se battre pour le droit à l'oubli, c'est lutter pour que vive ce grand spectacle du storytelling. Et on se plaît à imaginer de folles batailles rangées entre les militants du devoir de mémoire, d'un côté, et ceux du droit à l'oubli, de l'autre. Ça se castagne, certains se souviennent de qui a gagné, d'autres pas. Voilà, les médias préfèrent et comprennent très bien cette nécessité de l'oubli. Ils savent bien que pour nous vendre les petites histoires des uns et des autres, tous ces récits bien tricotés, de l'iPhone 7 jusqu'à la candidature d'Emmanuel Macron, il est un peu nécessaire de nous faire oublier le cours du monde. La bataille d'Alep ou la guerre qui se prépare entre l'Inde et le Pakistan, voilà, et de traiter ça plutôt quelque part dans les oubliettes d'une deuxième partie de JT. Et moi, chantait mon idole Jacques Dutronc. Voilà, parce que le fracas du monde, c'est comme ça. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. C'est la vie. Thomas Vidoguin, merci. Ouais, merci. Vous voyez, ça, c'est philosophique aussi. Oui, j'étais quasiment ému. Oui, c'était émouvant. Ben oh, merci, c'était sympa. Et rappelle l'essentiel, Thomas Bideguin. Ouais. Oui. Et juste après, ceci, nous aurons droit à du Guillaume Meurice avec André Sauvé. Il est là. Ah, des blagues. Magie. Thomas Bideguin. Pépé tes rayons. Pépé tes rayons. C'était tes rayons. Un jour, moi, j'irai au Japon. C'était tes rayons. C'était tes rayons. C'était tes rayons. Au pays du soleil levant. C'était un petit peu redondant, mais Fabrice Desmas à la technique me dit c'est parce que la redondance a augmenté. Je voulais vous la faire partager. Est-ce qu'il est à la technique avec Élise Christophe, à la réalisation Benjamin Riquet, à la préparation Irène Menahem, Nathalie Romero, Sarah Masson, il n'y a pas de raison. Dénoncez tout le monde. Qu'il ne soit pas dénoncé. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie d'André Sauvé, dont vous pouvez voir le spectacle qui s'appelle d'ailleurs... André Sauvé. Voilà. Voilà. Quelle bonne idée. Au théâtre des Mathurins. Au théâtre des Mathurins. Allez voir sur justemesplaces.fr car vous avez des places à tarif réduit pour les auditeurs de ça, France Inter ça, avec un beau. Code promo France Inter. Guillaume Meurice, est-ce que vous êtes toujours à Lyon oui. avec nous? Je n'ai pas bougé, je suis toujours à c'est Lyon. C'est vrai oh, qu'est-ce chouette. Que tu oui. fais depuis tout à l'heure? On t'imagine t'ennuyer dans une chambre d'hôtel. Et... Non, j'écoute RTL, c'est formidable. Ah, ah, ouais. Il y a des comiques, non? Oui, ouais, c'est hyper drôle. Et il dit ça depuis, évidemment, France Bleu. On salue les équipes techniques oui. là-bas. Et on vous laisse le micro, alors, Guillaume, on vous écoute. Oui, Eh bien, écoutez, effectivement, là, je suis à Lyon, la région Rhône-Alpes-Auvergne, sur les terres du seigneur Laurent Wauquiez. Laurent, qu'on a vu en costume traditionnel la semaine dernière à l'occasion d'une fête folklorique, hein, il était magnifique, vêtu d'un beau collant moulant, dit poutre apparente et clochette de sortie. Alors, Laurent, on connaît sa devise, hein, c'est « l'assistanat est un cancer de la société ». Donc, si Laurent Wauquiez fait un AVC devant vous, surtout n'intervenez pas, hein, ne lui portez pas assistance. Il n'aime pas ça du tout, Laurent, hein, laissez-le bien crever avec ses convictions. En attendant, moi je suis allé ce matin sur un marché de Lyon donc, pour interroger ses administrés à propos de cette devise. Allez, on commence avec une première damoiselle. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai un petit cousin qui profite vraiment de tout ce qu'il peut profiter. Qu'est-ce qu'il a comme aide, alors ? Bah, il touche le RSA, il touche les allocations logement, il touche... si, il va au Resto du Cœur, il mène sa petite vie tranquille, quoi. Il a la belle vie, oui, par rapport à ceux qui se lèvent le matin. Mais vous pensez qu'on peut avoir la belle vie avec le RSA ? Bah, lui, il s'en porte bien. Hein. Bah oui, c'est vrai que c'est toujours agréable de faire ses courses au Resto du Cœur. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle la belle vie, quoi. Hein. Les Restos du Cœur, donc avec le fameux concert des Enfoirés, qui nous rappelle chaque année que la misère existe, mais aussi que Patrick Fiori existe. Hein. Ça, c'est important. C'est dur pour tout le monde en ce moment. Bah oui, même si l'assistanat, ça encourage qui, selon ce monsieur ? Encourage certains qui pourraient se rebrousser les manches. Quand vous dites certains, vous parlez des politiques ? Non, des gens qui, étant assistés, vivent confortablement. Ah mais ça, vous parlez des députés, là, non ? Non, je parle de chômeurs. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, non, j'avais pas pigé. Parce que c'est vrai, quand on parle de gens payés à rien foutre, on a plus en tête un sénateur qu'un SDF. Mais oui, effectivement. Donc, les pauvres sont des salauds d'assister, bien sûr. Tiens, j'avais une autre question pour ce monsieur. Vous-même, vous n'êtes pas assisté ? Je le suis devenu du fait que je suis retraité. Ah bah merde, alors. Ah oui, ça m'embête. Ah bah vous pourriez peut-être vous retrousser les manches. C'est pas faux. Ouais, un peu que c'est pas faux, mon pote. Tu crois pas qu'on va continuer à te payer à jouer au bridge à la crapette, mon gars ? Allez, au boulot, les vieux. Tiens, j'ai rencontré une autre gente dame, hein, d'un âge certain, qui pestait contre l'assistanat, qui serait, selon elle, une invention d'intellectuel. Les philosophes, les machins, ils ont jamais mis les mains dans le cambouis et ils vous donnent des leçons. Voilà. Là, vous parlez de Laurent Wauquiez. Non, je ne parle pas de Laurent Wauquiez. Non, pardon. Non, parce que comme Laurent Wauquiez, il n'a jamais bossé de sa vie non plus, il aurait pu avoir confusion. Non, elle parlait des chômeurs. Hein, voilà, c'est important, des assistés. Parce qu'elle, pour le coup, elle n'est absolument pas assistée. Ah non, pas du tout. Ah. Ça, jamais ? Non, je n'ai jamais été assistée. Je suis une mère de famille qui n'a pas travaillé, qui n'a jamais rien eu. Alors comment vous aviez de l'argent ? Ben, je suis mariée. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc en voie de disparition. C'est votre mari qui payait tout ? Ben oui. Mais alors attendez, vous étiez assistée complètement. Ah non. Ah bah si là. Je n'ai jamais été assistée. Ah bah quand même un peu par votre mari du coup. Et alors ? Ah bah oui, après tout, et alors ? Hein, c'est vrai, les chômeurs, vous n'avez qu'à vous maquer avec des riches, et puis c'est tout. C'est ça la solution. Sarkozy, il a été obligé de coucher, par exemple, avec Liane Bettencourt. Même si au final, ce sont les Français qui se sont fait baiser, il avait compris la technique pour se faire de la thune sans bosser. Voilà, des gens qui travaillent, d'ailleurs, il y en avait hein, sur le marché ce matin. Il y avait notamment Gérard, c'était un vendeur de fruits et légumes. Alors qu'est-ce qu'il pensait de tout ça ? Il fout trop boulot, tout ce monde-là, qui fait rien. Enfin bon, peut-être que je suis méchant, hein ? Ah bah, je sais pas, d'après vous. Moi, je pense que je suis assez méchant, mais c'est normal. Mais pourquoi vous êtes méchant ? Parce que ça m'énerve quand on voit qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus que ceux qui travaillent. C'est peut-être parce que ceux qui travaillent sont pas assez payés. Ouais, mais après, c'est nous qu'on paye. Oui, mais si on leur donne de l'argent à ces gens-là, ils vont pouvoir venir vous acheter des choses au marché. Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà, donc c'est bon, vous êtes pour les aider du coup maintenant. Parce que vous m'avez fait tourner là, oui, de l'autre côté, vous êtes un bon. Oui, vous n'êtes pas méchant. Non mais je suis bon méchant. Mais non, il n'est pas méchant Gérard. Il répète juste la devise de Laurent Wauquiez. On ne peut pas lui en vouloir, elle est reprise partout quoi, dans les médias, dans les partis politiques. Le chômage c'est de la faute des chômeurs et la pauvreté c'est de la faute des pauvres, c'est tout. Tiens, à propos de partis politiques, j'ai rencontré également ce matin Michel Dulac. Alors lui, il est conseiller régional Front National. Et alors, je vous rappelle hein, que le Front National, c'est le parti qui est censé défendre les petits, les sans-grades, les oubliés, les exclus. D'accord ? Allez, on écoute Michel. Du fait qu'on donne de l'argent à des personnes qui ne veulent pas travailler ou qui ne veulent plus travailler et qui deviennent, excusez-moi, des vrais feignants, parce que moins vous travaillez, plus vous avez envie de plus travailler. Et les gens qui veulent travailler et qui ne trouvent pas de travail ? Mais il y en a du travail. Vous savez, je vous assure qu'il y a du travail. Mais où ? Mais il y en a de partout. Il faut aller chercher du travail. Mais il faut, disons, innover les choses. Voilà, il faut innover les choses, hein, bien évidemment. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il faut le faire. Voilà, c'est certainement un langage du Moyen-Âge. Alors, remarquez d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, les seigneurs assuraient au moins, en échange échange de leurs impôts, la protection des populations. Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Ils se contentent simplement de les saigner, ce qui donne une autre orthographe et une autre signification au mot « seigneur ». Guillaume Meurice, merci. En duplex de Lyon, merci à vous. Restez avec nous. Bravo. Et merci à Claire Vuillot à la technique. Oui, toujours merci Claire. Toujours remercier Claire. Allez, restez avec nous Guillaume Meurice et avec André Sauvé qui est avec nous jusqu'à 18h. La voiture sans chauffeur est à nos portes de parking avec son lot de questions. Les risques de piratage, de l'ordinateur, qui est responsable en cas d'accident, qui insulté au feu rouge. Mais lorsque nous aurons tous passé le volant à un ordinateur, est-ce qu'on ne va pas oublier comment conduire manuellement ? Comme certains usagers d'entre vous et moi l'auront peut-être remarqué, la plupart des véhicules automobiles sont maintenant équipés en série d'un ingénieux système tripédalier. En effet, vous connaissez sans doute la pédale de l'accélérateur, la pédale de l'embrayage, mais il n'est pas inutile de rappeler l'existence d'une troisième structure pédalière, j'ai nommé le frein. Ainsi, cette bande de pédales, si j'ose dire, vous sera fort utile pour mener votre véhicule jusqu'à bon port. Exemple, vous désirez vous rendre d'un point A à un autre point A. Il vous suffit de requérir à l'usage alterné de l'accélérateur et de l'embrayage. Mais minute papillon, un obstacle imprévu et bardaf, c'est lambardé. Faux contact, le petit programme de la RTBF avec on le comédien bien, on aime bien. Manu Taureau. Voilà pour ce sujet des voitures sans chauffeur, puisque c'est le mondial de l'automobile. Alors André Sauvé, avant on parlait de vitesse, de puissance au démarrage, de design des voitures. Et aujourd'hui on s'extasie devant une bagnole sans chauffeur qui ressemble à un pot de yaourt. Qu'est-ce qui nous arrive André Sauvé? Vous avez une explication? Mon Dieu, mais je me demande où va-t-elle quand on se la fait voler. C'est vrai, c'est marrant cette Est-ce que c'est comme les petits appareils qui passe l'aspirateur en robot dans la maison, est-ce qu'il revient gentiment dans le garage? Ça, je sais pas. C'est une très bonne question parce qu'il y a tout un dossier dans l'IB et il n'y a pas cette question dedans. Ah, moi, c'est comme un petit suppositoire. Mais en fait, oui, moi... C'est un suppositoire, oui. Oui, quand même. Mais en fait, il y a deux volets. Il y a des tracks, là, des pistes qui s'ouvrent dans ma tête. Je vais en prendre deux pour l'instant. Allez-y. Mais en fait, il y a le côté technologie. Ça, c'est fabuleux. Comment si on sépare ça, le côté technologie? Moi, je ne suis pas très technologique. Je commence à prendre les escalators tout seul. Donc, ça sent bien. Donc, mais c'est fabuleux que ça fonctionne tout seul. Mais l'autre volet, c'est la réflexion qui me vient, c'est la technologie va toujours de faire en sorte qu'on n'ait pas à faire les choses nous-mêmes. Mm-hmm. Mais que veut-on qu'on fasse du temps libre qui nous est alloué? Consommer. C'est ça, consommer des choses qui vont faire des choses pour nous. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre-là? Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Bah alors, les constructeurs voudraient qu'on consomme, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs de bord, des écrans et puis des trucs à acheter. Voilà. Mais on pourrait lire, en fait. Des spectacles d'André Sauvé. Acheter des livres. Mais oui, mais quand les spectacles vont s'écrire tout seul, il y avait un ordinateur à un moment donné qui faisait ça, savoir comment écrire des blagues par ordinateur. Moi aussi, j'ai vu le spectacle de Gad Elmaleh. C'est ça. Ça marche. Ça va. Avec André Sauvé. André Sauvé, je ne sais pas si vous connaissez Thomas VDB. Oui. Ouais, oui. Vous connaissez. On s'est déjà croisé dans des festivals. Sur scène, exactement. Sur un plateau. Sur un plateau à Paris. Absolument. Très bien, bien. Dans toute son œuvre, c'est maintenant. Alors, moi, je voulais vous annoncer que cette semaine, c'est une grande nouvelle, il y a des astronomes qui ont découvert qu'à l'autre bout de la galaxie, il y a un trou noir qui a avalé un autre trou noir. Et ça a été vraiment la collision de deux univers. C'est un truc qui n'arrive quasiment jamais. Et ils ont découvert que ça a été déclenché par le court échange qui a eu lieu sur Twitter entre François Hollande et Rihanna. Et ça a créé une faille spatio-temporelle, vraiment, deux choses qui n'avaient rien à voir et tout ça a explosé. Pourtant, on se souvient déjà qu'elle lui avait dédié une chanson à François Hollande, Rihanna, souvenez-vous. Si tu veux pas passer pour un ego, te retrouver trompé sur toutes tes photos, pense-moi à prendre ton parapluie. C'est toujours utile d'avoir un petit parapluie. Pluie, François Hollande, François Hollande. Je me souviens évidemment du morceau Umbrella, qu'elle avait écrit après avoir vu des images de François Hollande mouillé dans VSD, mais aussi dans Paris Match, dans Jour de France, dans Closer, et dans Le Nouvel Observateur. Alors, Rihanna, elle est aujourd'hui ambassadrice d'un programme qui s'appelle Education Cannot Wait. L'éducation n'attend pas. Et sa mission, Ariana, donc, en tant qu'ambassadrice, évidemment, c'est de sensibiliser à cette cause un maximum de personnalités très influentes ou des gens comme, par exemple, François Hollande. Et donc, François Hollande, il a reçu un message de Rihanna sur Twitter. Fait alors, plaisir. Je pense qu'il y en a qui ont dû en entendre parler toute la journée à l'Élysée. Alors, elle dit, ouais, il y a Rihanna qui m'a écrit. Alors, moi, c'est vraiment content. Moi aussi, vous faites Sarkozy. Alors, non, c'est vrai, j'imite le président, tout simplement. Non, c'est vrai qu'il devait être content parce que déjà la semaine dernière, il s'est fait remettre à New York le prix d'homme d'État de l'année. Mm-hmm. Et il est allé récupérer son prix. Ça veut dire qu'il pensait le mériter. Vraiment, là, je vais chercher mon compris, hein, c'est quoi le problème, je le mérite. Bon, c'est vrai que c'est un peu un cheval entre Sarkozy et François Hollande. Eddie Murphy. J'imite juste quelqu'un qui n'est pas moi. En fait, hein. Alors voilà, homme d'État de l'année. Alors bravo, parce que même déjà homme d'État de la semaine, j'étais pas sûr, mais de l'année, visiblement, il y a cru. Alors, en tout cas, il a dû quand même se sentir hyper beau gosse, je pense, hyper GQ. Il a dû sentir hyper GQ, un message de Rihanna. Ça a dû être son petit rayon de soleil de la journée à François Hollande, à l'inverse de l'instant présent, hein, s'il est en train d'écouter France Inter, puisque depuis 10 minutes, il est en train d'écouter des relous, en train de l'imiter assez mal à l'antenne de France Inter. Hein. Mais je dirais que Rihanna, elle a quand même raison, moi, d'interpeller François Hollande sur les problèmes d'éducation, parce que déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que tous les enfants ont soif d'apprendre, on le sait, les enfants sont friands de connaissances, hein, il suffit juste de leur mettre au bon moment la bonne vidéo de Cyprien ou de Norman, et le gamin, il est là, il a envie de s'instruire, et puis surtout, il faut se dépêcher d'éduquer nos enfants nous-mêmes, parce que si on les éduque pas nous-mêmes, eh ben il y a un autre mode d'éducation qui est en train de se mettre en place en Syrie par exemple, hein, ou en CP, ils apprennent à lire avec des kalachnikovs. Mais ça doit être un petit peu, je pense, quand même humiliant aujourd'hui pour François Hollande d'être interpellé par une chanteuse américaine sur un sujet qui en plus faisait déjà partie de son programme, l'éducation. C'est un petit peu comme si aujourd'hui il y avait quelqu'un qui rentrait dans son bureau à François Hollande et qui disait: Monsieur le Président, vous n'avez pas encore répondu au mémo de Britney Spears sur les producteurs de lait, et qui est obligé encore de dire voilà, je suis pas à la page là-dessus. Mais en tout cas, je dis Rihanna, bravo à Rihanna de s'impliquer comme ça dans l'éducation. C'est pas dur de la sentir impliquée dans l'éducation, Rihanna, notamment quand tu écoutes les paroles de ses chansons. C'est un morceau qui s'appelle SM. Hein, c'est le nom d'un de ces morceaux. Voici les paroles traduites, c'est un court extrait. Je suis sans doute vilaine, mais j'y suis particulièrement douée. Le sexe dans les airs, je m'en fous, j'aime l'odeur. Les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les chaînes et les fouets m'excitent. Voilà, donc là on se dit quand même, c'est vrai que education cannot wait, je dirais éducation sexuelle cannot wait, surtout. Hein, parce que sinon, elle pouvait carrément faire une réunion, je pense, avec Najat Vallaud-Belkacem, Rihanna, hein, pour s'impliquer davantage dans l'éducation, pour intégrer peut-être une épreuve de twerk, coefficient 8 au bac. Je pense qu'à la cantine, on se prend plus la tête avec des menus. Hein, tout le monde mange de la chantilly, à même le tube, avec un air un peu coquin, comme ça. Et on pourrait aussi intégrer peut-être des éléments du programme de 6e dans les chansons de Rihanna. Je pense au refrain de Umbrella, par exemple. Henri IV, il est mort en 1610. Il a été assassiné par Ravaillac. Bon, après, il faudra adapter un petit peu tout ça aux différents programmes scolaires. Des petites suggestions pour Rihanna. Merci à toi. Des solutions pour l'éducation nationale. C'est Thomas VDB. Des solutions pour la France. Merci, Thomas. Je rappelle qu'on peut vous revoir sur franceinter.fr, et rien que pour la coiffure avec le casque. Ça vaut le détour. Je pense qu'André va retourner au Québec. André, plus vite que prévu. Non, André Sauvé, non, pas tout de suite. André Sauvé, il est au théâtre des Mathurins à Paris, hein, oui. Donc pour l'instant. Alors, sachez que comme un malheur n'arrive jamais seul, la transition n'est pas bonne, ça n'a rien à voir avec vous, André Sauvé. On comprend le montage. Comme un malheur n'arrive jamais seul, si Donald Trump devient président des États-Unis, Melania Trump sera première dame. Et elle succédera ainsi à Jackie Kennedy et Michelle Obama. Alors qu'elle est très Jackie et Michelle, donc... C'est vrai, mais c'est une ancienne call girl. Mais qu'est-ce que je représente pour toi, au bout du compte? Je suis qu'une chose qu'on achète, c'est ça? Mais je me fous de cet appartement que tu m'as acheté, je me fous de cette voiture que tu m'as donnée. Et je me fous de toutes ces attentions qui ne sont pour moi que les barreaux d'une prison dorée que t'as échafaudée autour de mon être. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre! Vous n'aurez peut-être pas reconnu les inconnus. C'était Pascal Legitimus. Alors, André Sauvé, les Américains, ils ont le choix entre deux First Lady, entre Bill Clinton ou Melania Trump. Alors, c'est vrai qu'on n'élit pas la première dame, on élit un président. Habituellement, on s'en fiche, sauf que là, il y a quand même un fossé. Enfin, ouais, Trump dirait un des deux que la moitié des morceaux sont d'origine. Ouais. Mais qui est-il, lui? Tu sais, si on reprend en même temps du début que la politique intérieure, qui est celle de... Qui est cette chose-là de M. Trump? Et moi, je pense que c'est un gros... Si on prend la politique intérieure, c'est un gros égo. C'est une grosse partie de l'égo qui est là, qui veut parler fort, qui veut se faire entendre. Et il a droit de parole. Mais c'est un peu comme pour nous. L'égo, qu'est-ce qu'il est dans le fond? Il ne faut pas le jeter aux poubelles. C'est juste de lui rappeler que dans la maison, il a droit d'être à la table. Mais c'est juste, il faut lui rappeler que dans la maison, ce n'est pas le propriétaire, mais c'est l'invité. Donc, c'est la place à laquelle que je le remettrais. Mais c'est quand même étrange, cette espèce d'époque-là où on est... Les deux sont... Oui. Melania Trump, ça te dit quelque chose du candidat Donald Trump, non? Et ouais, si on peut parler d'alter ego, je sais pas, mais oui, c'est-à-dire c'est un reflet, peut-être le pendant féminin de ce qu'il est, mais d'un bord comme de l'autre, on n'ose pas trop s'y avancer, je pense. Comme au Canada, au Québec, on regarde, j'imagine, de très près, où on est abreuvé d'élections américaines. Est-ce que les humoristes, ils s'emparent beaucoup de Mélania aussi, et pas que de Donald Trump, parce que les portraits dans la presse en France sont croquignolesques, hein, ex-callgirl. Oui, quand même, mais on dirait qu'il y a parfois la réalité tellement au-delà de les blagues qu'on peut faire qu'on peut pas accoter la blague de ce qui est la réalité. Donc, on n'y touche pas. Quand quelque chose est déjà parfait au niveau de la blague, on préfère laisser ça intact entre les mêmes. Moi, en tout cas, moi, je ne toucherais pas à ça. Oui, oui, je comprends. Ni de la blague, ni de... Enfin. Et donc, Mélania Trump, rappelons que c'est pas qu'elle est refaite, c'est qu'elle a stoppé sa croissance à 22 ans. Hein. Rappelons-le quand même. Moi, je veux bien dire du bien de Mélania Trump, si vous me le demandez gentiment. Ah, voilà, dit-il en brandissant une photo. En même temps, vous êtes dur, vous êtes à charge. Voilà quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'histoire comme elle peut. Poursuivez, c'est intéressant. Je sais pas où je vais arriver, mais disons qu'il y a un côté Pamela Anderson qui n'est pas... Mais moi, je propose qu'on en arrive à Fred Fromet. Il y a aussi un côté Pamela Anderson. Ouais, merci. Oui, Fred Fromet. Mais vous êtes bonsoir, là. Mais ouais, je suis là. Ah, bah oui, il est là. Ça va bien. De corps et d'esprit. De quoi allez-vous nous chanter? Bah, cette semaine, l'OMS a publié un rapport inquiétant sur la qualité de l'air. Ah oui. Et moi, en tant que barde, la mauvaise qualité de l'air, c'est ma spécialité. La qualité de l'air est très très très mauvaise pour ce qui est de l'atmosphère. Je fais confiance aux experts, les vrais, ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Pardon, c'est mon cancer du poumon qui rapplique. Moi, la pollution, j'y crois pas un instant. Vive le charbon et les gaz d'échappement. Je comprends Sarkozy, les verts se poussent des cons. Y'a qu'à voir les ennuis qu'il a avec un buisson. Les cons font du vélo parce que c'est naturel, parce que c'est du bio. Alors qu'il porte des jeans diesel, faut-il être couillon pour se dire écolo lorsque l'on prend l'avion comme Nicolas Hublot? Vous entendez? Prison ferme pour vous. Oui. L'air se dégrade. L'air qui serait pollué, qui nous foutrait la gerbe, vraiment rien à carrer. Quand on bouffe de la merde, moi je connais des gens qui mangent du quinoa, des graines tout en buvant du caca-cola. Parce qu'on leur a dit à ces petits rigolos qu'il faut se méfier aussi de la qualité de l'eau. C'est marrant, on dirait du jazz. Du jazz carbonique. Si c'est vrai tout ça, que ça craint pour notre peau, j'aimerais savoir pourquoi il y a eu jamais autant de gros. Les particules fines, vraiment on exagère. Demandez à Sandrine, elle respire du bon air. Franchement, faut être débile pour croire qu'on s'empoisonne. Si vous manquez de chlorophylle, il y en a dans les chewing-gums. Tous ensemble, tous ensemble, tous, tous. À ceux qui riraient jaune, en France on est tranquille. On a l'anticyclone qui a stoppé Tchernobyl. C'est la fin de la chanson, sans doute terre à terre. Pour nier la pollution, il faut pas manquer d'air. Merci. Je pense que si ça avait été la première que vous nous aviez proposée, votre carrière eût eu une autre... Et moi, je vais vous dire que quand l'air est pas bon, ça fait mal au ventre. Merci Frédéric Fromet. Bravo. Vous saignez des oreilles, Guillaume Meurice, à Lyon? Oui. Et je pleure de rire, donc ça va, c'est bon signe. Merci. Merci Guillaume Meurice. Merci. Merci surtout à vous les amis. Merci à André Sauvé. Grand plaisir d'avoir été ici. D'être resté avec nous, ça fait du bien votre point de vue humoristico-philosophique. Oui. Ah oui, quand même, ça nourrit, on se nourrit de tout. Quand on est ailleurs, on a des regards bien beaucoup sûr plus neufs. Les nourritures intellectuelles, évidemment, pas que terrestres. Je rappelle que vous êtes au Théâtre des Mathurins. À partir du 6 octobre, du jeudi au samedi à 21h, le dimanche à 17h. Et puis au mois de novembre, vous serez du mercredi au samedi à 21h. Voilà. Et puis il y a des places à 10 euros pour les auditeurs de France Inter en allant sur justemesplaces.fr avec le code promo France Inter. Et c'est chaleureusement recommandé, André Sauvé. Ça vaut beaucoup plus que 10 euros. Donc allez-y, vous allez faire une affaire. Oh, moins 12. Merci Thomas Bideguin, Thomas VDB, Alex Vizorek, à tout le monde. Merci. Bravo, merci. Je laisse le mot de la fin à Guillaume Meurice. Ah. Ouais. Guillaume, quand on lui dit qu'il... Ouais, quand on vous dit que vous ne respectez rien. Bah, j'ai bien eu droit quand même, hein. Bah, alors... tous les dimanches matins à 11h sur France Inter. On va déguster. François-Régis Gaudry. C'est l'histoire d'une fleur qui donne naissance à l'épice la plus chère du monde. On va les éplucher pour récupérer ce pistil. C'est ça le safran. Cet or rouge nous vient d'Orient et on le produit un peu partout en France. Du champ à la casserole, plein feu sur le safran. Le dimanche matin sur France Inter à 11h. À dimanche. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez, comme tous les week-ends, vous jouez de la musique. Sur un piano à queue blanc. Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez. Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillions My Million, imaginez, 130 millions d'euros minimum à Euromillions. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Une seconde avant, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Élise était enceinte de notre premier enfant. Mais la seconde d'après, quand j'ai vu cette voiture me couper la priorité, j'ai bien cru que tout était fini. Heureusement, Élise n'était pas avec moi dans la voiture. Et notre fils a pu voir le jour. Grâce à lui, j'oubliais un peu mon handicap. Chaque priorité respectée, c'est un risque évité. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servajan. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bon week-end à vous. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. Ce soir, on s'intéresse au féminisme dans la France de 2016. Quel combat, quelle priorité ? On en parle avec notre grand témoin, la politologue Jeannine Mossulaveau. Le féminisme en général, donc dans cette première partie, et la question du voile en particulier qui déchire les féministes. Ce sera à partir de 19h20 au téléphone sonne, mais tout de suite, le journal de 18h de Florence Paracuelos. Bonsoir Florence. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une ce soir, la fin d'une odyssée qui nous aura fait rêver. 8 milliards de kilomètres parcourus et la sonde Rosetta s'est éteinte aujourd'hui. Émotion des scientifiques qui suivaient ces aventures. Dans ce journal également, le péril Deutsche Bank, la